Chapitre 3e. La campagne de Léonce de Folfeuille. Léonce de Folfeuille, grisé par le riant avenir qui s'ouvrait devant lui, s'en était allé, après son entrevue avec Sir Johan Astley, trouver son chef et l'avait sollicité et obtenu un mois de congé. Déjà, il se voyait en imagination propriétaire d'une charmante villa pleine d'arbres et de fleurs, avec des échappées sur les horizons de Bellevue et 1800 francs de rente, pour satisfaire aux besoins matériels de son heureuse existence. Et ce bonheur ne s'arrêtait pas là. Devant ses yeux ravis, miroitait sur la devanture de la boutique d'un libraire en renom un petit volume à la couverture bleue de ciel, gris pâle ou rose tendre, sur laquelle se détacherait un de ces titres vaporeux que l'école romantique a mis à la mode, les échos du cœur, les soupirs de l'âme ou les rêveries intimes. Puis au-dessous, en grosses lettres fantaisistes, le nom de Léonce de Folfeuille. Mais, pour décrocher cette mirifique timbale, il fallait mettre la main sur Maresco, car la surveillance occulte exercée autour de Carmela et du vicomte n'était pour lui qu'un jeu d'enfant. 2 ou 3 heures par jour lui suffiraient largement pour se tenir au courant de tous les actes de ce couple suspect. Autrement était épineuse la première partie de sa mission. Comment retrouver, dans l'océan parisien, un homme dont le signalement était des plus vagues? Il possédait, il est vrai, un indice précieux. Le capitaine avait, en s'échappant des mains des Comanches, enlevé une jeune fille de race indienne, et comme Folfeuille l'avait dit à Sir Johan Astley, c'était par elle qu'il devait arriver à Maresco. Il était probable, en effet, que si la fille du chef indien habitait Paris, le bureau de la Sûreté publique, chargé de centraliser les renseignements relatifs aux étrangers séjournant dans la capitale, le mettrait sur ses traces. Mais il en fut pour ses investigations et il n'apprit rien. L'idée lui vint alors que celle qu'il cherchait pourrait bien faire partie d'une troupe de saltimbanques. Il se rendit en conséquence à la préfecture de police, et là on lui dit que parmi les exhibitions qui attiraient en ce mouvement la foule des badauds, il y avait des négresses, des hottentotes, des chinoises et des australiennes, mais d'indiennes point. Enfin, et pour ne rien négliger, il donna à plusieurs de ses collègues le signalement de Maresco et de sa compagne, avec promesse d'une prime superbe s'ils parvenaient à le renseigner sur leur compte. Ses collègues ne découvrirent ni l'un ni l'autre. Et comment aurait-on pu les découvrir puisque Maresco se cachait sous le nom de Mélinet et que sa femme de la main gauche ne sortait que le soir, toujours emmitouflée d'un triple voile marron? Ces insuccès successifs ne découragèrent pas Folfeuille. Il s'était dit « Je trouverai Maresco » et il avait la profonde conviction qu'il parviendrait à le trouver. Et puis, plus que tout autre, il savait par expérience que le hasard est un grand auxiliaire dans toutes ces sortes d'affaires, et il comptait beaucoup sur le hasard. Toutefois, il ne s'endormait pas. Du matin au soir, il battait le pavé de Paris et furetait dans tous les hôtels garnis des deux rives, demandant Maresco à tous les échos. Mais les échos demeuraient muets. Lorsque la nuit était venue, Folfeuille s'en allait rôder aux alentours de l'hôtel de l'avenue Gabriel, et au moyen d'un litre de petit blanc quotidiennement offert au cocher de Madame de Sanlouco, il se tenait au courant de tout ce qui se passait chez elle, sans même le demander. Or, il advint un soir que le vicomte Hector de Livran sortit de chez la créole juste au moment où le policier poète venait au renseignement. Il était à peine 8 heures, et habituellement, l'ex-ténor ne quittait Carmela que vers 11 heures ou minuit, quand toutefois il la quittait. « Oh !» pensa Léonce de Folfeuille. « Est-ce qu'il y aurait de la brouille dans le ménage ?» Ce beau Paris aurait-il un rendez-vous avec quelque belle Hélène de son quartier? Et machinalement, il suivait le vicomte. Ce dernier rentra chez lui. Les fenêtres de son appartement donnaient, comme on sait, sur la rue d'Anjou-Saint-Honoré, et une lumière apparut dans sa chambre à coucher. Au bout de quelques instants, la lumière disparut et la porte cochère s'ouvrit. C'était Hector de Livran qui sortait. Sauf un paletot jeté négligemment sur ses épaules, rien n'était changé à son costume. En ce moment, un remise à vide passa. Le vicomte fit signe au cocher de s'arrêter et monta dans le remise en disant « Rue Le Pic, Moulin de la Galette !»« Que diable va-t-il faire dans ce bal ?» se demanda le policier. « Aurait-il la bosse de la danse et songerait-il à recueillir la succession de Vestris ?» À peine s'adressait-il cette question qu'il aperçut un gandin qui descendait d'un fiacre et payait le cocher. Léonce de Folfeuille s'élança si prestement dans la voiture que l'automédon, qui ne l'avait pas vu monter, fit un soubresaut quand une voix de stentor, partie de l'intérieur du véhicule, lui cria « Cocher, rue Le Pic, Moulin de la Galette et rondement !» Le fiacre arrivait devant le moulin célèbre, au moment où le bel Hector descendait de son remise. Folfeuille solda son cocher et il suivit l'exténor à distance. Ce dernier passa devant le bal, s'engagea dans la rue de la Fontaine du But et, parvenu au milieu de cette rue, il tourna à droite puis à gauche et, après 10 minutes d'une marche rapide, il entra dans une sorte de ruelle à l'extrémité de laquelle se trouvait une petite maison d'assez piètre apparence. L'agent était de plus en plus intrigué. Chez qui se rendait le vicomte? À défaut de son renseignement, il voulut connaître au moins dans quelle rue il se trouvait, mais la nuit était si sombre qu'il lui fut impossible de lire le nom de cette rue écrit sur le mur. Il examina alors la disposition des lieux, de façon à se la bien graver dans la mémoire. Comme il terminait son examen, il avisa le vicomte qui sortait de la ruelle et reprenait le chemin par lequel il était venu. Léonce de Folfeuille attendit qu'il se fût éloigné, puis à son tour il revint sur ses pas, et ce ne fut qu'après avoir erré à l'aventure toute une heure dans ce dédale de rue qu'il se retrouva devant le moulin de la Galette. « Que diable peut-il être allé faire là ? » se dit-il en descendant la butte Montmartre. « Si c'était chez une femme, il serait resté plus longtemps. Pas plus tard que demain, je m'en renseignerai. » Le lendemain, vers les 10 heures du matin, il était rue des Saules. Là, il apprit, en interrogeant adroitement les gens du quartier, que la maison dans laquelle Hector était entré la veille au soir avait pour locataire un sieur Mélinet, prêteur à la petite semaine et marié à une femme qui ne sortait jamais que le soir et ayant toujours le visage caché sous un épais voile marron. « Marron !» repartit vivement le poète policier, frappé de ce détail qui, pour tout autre, aurait passé inaperçu. « Marron ou noir ?» dit une commère. « Peu importe, mais ce qui m'enrage, c'est de n'avoir jamais pu la dévisager. » Plusieurs fois le matin, en allant leur porter mon lait, j'ai essayé de la voir, mais bernique. M. Mélinet venait m'ouvrir, prenait ma boîte, me rendait celle de la veille et me fermait la porte au nez. « Et vous n'avez pas pensé à vous présenter chez elle en l'absence de son mari ?» répliqua Folfeuille. « Lorsque M. Mélinet s'absente, sa femme n'ouvre jamais, » dit la laitière. « C'est singulier tout de même, » fit le poète policier. « Et à quelle heure ont-ils l'habitude de sortir ?» « Vers les 8 heures du soir, ils s'en vont faire un tour de promenade sur les anciens boulevards extérieurs, puis ils rentrent chez eux. » Tous ces détails avaient surexcité au plus haut degré la curiosité de Folfeuille, et plus que jamais, il voulut savoir à quoi s'en tenir sur le compte du mystérieux personnage avec lequel le vicomte de Livran était en relation d'affaires. Mieux que tout autre, il possédait l'art de se faire une tête. De retour chez lui, il endossa une redingote couleur cannelle, passa autour de son cou un de ces foulards bariolés qui sont en honneur dans les quartiers excentriques, mit sur son chef une casquette en peau de loutre, se vieillit de 10 ans à l'aide de quelques coups de pinceau, puis, ainsi transformé, il se transporta de nouveau rue de l'Abreuvoir, entra dans la ruelle, et arrivé devant la porte de la maison, il souleva un marteau en fer rouillé qui tenait lieu de sonnette et le laissa lourdement retomber. Au bout de quelques instants, un vasista s'ouvrit et une voix lui demanda ce qu'il voulait. « Je suis Mouchineau, l'épicier de la rue de la Goutte d'Or, » répondit Folfeuille, « et je viens, Monsieur Mélinet, vous prier de me rendre un petit service. » Le vasista se referma, le bruit d'un ressort se fit entendre, et la porte s'ouvrit comme d'elle-même. Le poète policier monta une 12aine de marches et entra dans une grande pièce. Mélinet Maresco avait regagné son fauteuil derrière son vaste bureau. Ce que Léonce de Folfeuille put apercevoir du visage de M. Mélinet était vague et confus comme certaines figures de Rembrandt placées dans l'ombre. « Je vous écoute, M. Mouchineau, » dit Mélinet en regardant attentivement son visiteur placé en pleine lumière. « Voici ce dont il s'agit, » répondit l'agent. « Je me trouve un peu gêné en ce moment par suite des réparations que j'ai fait faire à ma boutique. J'ai un gros paiement pour le 10 du mois, mais il me manque 300 francs. Et je viens sans façon, en qualité de voisin, vous demander de vouloir bien me les prêter. « Qui vous a engagé à vous adresser à moi ?» répliqua Mélinet. « Plusieurs connaissances que vous avez obligées. Vous demeurez, rue de la Goutte d'Or, numéro 113, » repartit effrontément Folfeuille. « C'est bien. J'irai aux informations. Revenez demain à la même heure et je vous rendrai réponse. » Le poète policier fit force salutation, mais au lieu de se diriger vers la porte par laquelle il était entré, il ouvrit celle qui communiquait du cabinet de Mélinet aux autres pièces du même étage. Il avait entendu remuer des meubles dans une chambre voisine, et comme il supposait que Mme Mélinet se trouvait dans cette chambre, il avait feint de se tromper pour tâcher de l'apercevoir et à voir ainsi le fin mot de ce voile couleur marron qui ne lui sortait pas de la tête. Mais il en fut pour sa curiosité. « Ce n'est pas par là la sortie !»« Sacre Dieu !» lui cria Mélinet. « C'est la porte en face !» Folfeuille, ainsi brutalement interpellé, fut obligé, quoiqu'à contre-cœur, de rebrousser chemin. Dès qu'il fut parti, Maresco se dit « Cet individu est épicé comme je suis le grand Turc. Ce doit être un agent déguisé. S'il revient demain, je le ferai suivre, et gare à lui. » Si la visite du prétendu épicier de la rue de la Goutte d'Or avait laissé des soupçons dans l'esprit du capitaine, l'agent de police en congé provisoire se demandait, tout en s'éloignant, quelle sorte de relation pouvait exister entre le brillant vicomte Hector de Livran et cet usurier au collet relevé et aux lunettes bleues. Puis, il se demandait encore quelle était cette femme énigmatique avec laquelle Mélinet allait presque tous les soirs faire un tour de promenade sur les boulevards extérieurs, et pourquoi ce triple voile qui équivalait à un masque. « Il faut, continua-t-il, que je perce à jour ce singulier groupe. Peut-être le hasard m'a-t-il mis enfin sur la piste de la femme indienne qui doit me conduire au capitaine Maresco. » Le même jour, à la nuit tombante, un individu coiffé d'un chapeau pointu et affublé d'une vareuse courte à larges manches se promenait sur la partie du boulevard qui s'étend de la rue des Martyrs à la place Blanche, les yeux braqués sur toutes les personnes qui passaient à côté de lui. Cet individu, qui avait la désinvolture d'un peintre en bâtiment ou d'un rapin de 12e ou de 15e année, est-il besoin de dire son nom, n'était autre que Léonce de Folfeuille. Ainsi que le lui avait annoncé la laitière de la rue des Saules, M. et Mme Mélinet, au coup de 8 heures, firent leur apparition sur le boulevard à l'angle de la chaussée des Martyrs. À première vue, les époux Mélinet n'offraient rien de particulier. L'homme, avec sa longue houppe blonde, gris de fer et son chapeau à large bord et à forme basse, ressemblait à un de ces 1000 petits bourgeois qui campent sur les hauteurs de Montmartre afin de payer moins cher le loyer. La femme était vêtue simplement, et la seule partie remarquable de son costume était l'épais voile marron qui lui couvrait la figure et empêchait de distinguer ses traits. Le policier poète se plaça sous un des lampadaires du boulevard afin de pouvoir examiner tout à son aise Madame Mélinet. « Cette femme est jeune, se dit-il, la cambrure et la souplesse de la taille l'indiquent de la façon la plus péremptoire. Mais à sa démarche un peu raide et à son pas saccadé, il est facile de voir que l'asphalte du boulevard est un terrain nouveau pour elle, donc c'est une étrangère. » Il se rapprocha d'eux à plusieurs reprises, dans l'espoir de saisir quelques bribes des paroles qu'ils échangeaient de temps à autre, mais chaque fois qu'il se rapprochait, la conversation cessait. Après une promenade d'une heure, ils reprirent le chemin de la rue des Saules. Plus Folfeuille réfléchissait, plus l'idée que la femme voilée devait être celle qu'il cherchait s'implantait dans son esprit. Mais comment s'en assurer? Recourir à la violence, afin de voir son visage, il n'y fallait pas songer. Tous les passants s'ameuteraient contre lui et il se compromettrait, très probablement, sans atteindre son but. Faire intervenir la police, mais sous quel prétexte? Le nom de Mélinet, pas plus que celui de Maresco, ne figurait sur les sommiers judiciaires, et il savait que pour faire arrêter un individu, il était indispensable qu'il fût signalé comme suspect à l'autorité ou pris en flagrant délit d'un acte puni par la loi. Or, le couple Mélinet ne se trouvait ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas. Longtemps, Folfeuille tourna et retourna la question sous toutes ses faces, sans pouvoir parvenir à résoudre le problème qui le préoccupait. De retour chez lui, il se coucha, mais ne put fermer les yeux. Sans cesse, il pensait à Madame Mélinet et aux moyens qu'il pourrait employer pour la forcer à lever son voile. Ce ne fut que vers le matin qu'il s'endormit, mais son sommeil fut agité et rempli de rêves. Par moments, il voyait sa future villa avec ses ombrages verts, mais dès qu'il s'en approchait, elle s'évanouissait. C'était ensuite la femme voilée qui lui apparaissait. Elle se penchait vers lui, portait la main à son voile comme pour lui montrer son visage, puis aussitôt elle s'échappait avec un rire moqueur. Mais tout a une fin en ce bas monde, même les mauvais rêves. Un soleil resplendissant vint arracher le poète policier au cauchemar qui l'obsédait. Il se leva, s'épongea à grande eau, et peu à peu il retrouva toute sa lucidité d'esprit. Il se frappa le front à la manière d'un homme qui vient de mettre la main sur le mot d'une charade. « J'ai trouvé !» se dit-il. Le soir, à 8 heures, il descendait, sous son costume de vieux rapin, de l'omnibus qui fait le trajet de la Halle aux Vins à la barrière des Martyrs, incliné à droite sur le boulevard, et s'arrêtait au coin de la rue d'Aucourt, qui conduit à la place du théâtre Montmartre. C'était le chemin que Mélinée et sa femme avaient pris la veille pour gagner les anciens boulevards extérieurs. 10 minutes ne s'étaient pas écoulées lorsqu'il aperçut le couple débouché par la rue des Trois Frères et paisiblement se dirigeait vers le boulevard. « Ah ! Voilà mon homme » pensa-t-il en se frottant les mains. « Va, va, mon gaillard !»« Arrive, arrive tranquillement, sans te presser. Tu ne te doutes pas du coup de Jarnac que je te prépare. » Après s'être ainsi parlé, il alla se poster près de la boutique du marchand de tabac qui se trouve presque à l'angle de la rue d'Aucourt, et il attendit que les époux Mélinée fussent descendus sur le boulevard Rochechouart. La partie des boulevards extérieurs qui s'étend entre la barrière blanche et le théâtre Montmartre a complètement changé de physionomie depuis quelques années. Si les boutiques, cafés, restaurants et magasins ne rivalisent pas de luxe avec ceux des grands boulevards, ils y sont aussi nombreux et aussi fréquentés. Ce n'est pas la clientèle cosmopolite de l'intérieur de Paris qu'on y rencontre, c'est une population autre, moins élégante, il est vrai, mais plus française, ou pour mieux dire, plus gauloise. Le soir, lorsque la journée a été belle, il règne dans ce quartier transformé une vie et une animation qui étaient inconnues autrefois. Une foule de petits commerçants retirés des affaires, d'employés retraités et de jeunes ouvrières accompagnées de leurs parents, se promènent le long des nouvelles plantations d'arbres ou s'assoient sur les bancs gratuitement offerts par la ville de Paris. Des ouvriers, vêtus de leur blouse de travail, forment leur pipe en buvant un bock sur le devant des cafés qui bordent la chaussée. Léonce de Folfeuille, en choisissant cet endroit populeux pour le théâtre de l'exploit qu'il méditait, avait fait preuve d'habileté, car il lui suffisait d'élever quelque peu la voix pour provoquer l'attention générale et produire sur le champ un rassemblement des plus respectables. À peine M. et Mme Mélinet eurent-ils traversé la chaussée pour gagner le milieu du boulevard, que le poète policier, transformé en vieux rapin, s'élança au-devant d'eux et s'adressant à Mélinet. « Enfin je vous trouve. C'est donc vous qui avez séduit et enlevé ma sœur. » Le capitaine demeura un moment interloqué de cette apostrophe, puis, se remettant presque aussitôt, « Vous vous trompez, monsieur, » répondit-il froidement. « Je ne connais ni vous ni mademoiselle votre sœur. Veuillez, je vous prie, me laisser tranquille. » « Un misérable suborneur !» continua Folfeuille. « Tu crois m'échapper à les données font tes mensonges ? Non, non. Ma pauvre sœur, un ange de candeur, avant de l'avoir rencontré, est à ton bras, et je ne te lâcherai pas que tu ne me l'aies rendu. »« Vous êtes fou ivre !» repartit M. Mélinet, en cherchant à se frayer un chemin à travers le groupe qui s'était formé autour d'eux. « Ah, je suis fou ! Ah, je suis ivre, brigand !» riposta le poète policier en s'exaltant de plus en plus. « Eh bien, c'est ce que nous allons voir !» Et par un brusque mouvement, il essaya de séparer Mélinet de sa femme. Celle-ci poussa un cri d'épouvante. « Insolent !» dit le capitaine. Et de ses poings fermes, il voulut frapper son agresseur. Mais le faux rapin, ayant vu venir le coup, l'avait esquivé en se baissant. Ce fut un de ces badauds qui faisait cercle, qui reçut le coup de poing en pleine poitrine et alla rouler sur le sable du boulevard. À moitié assommé, le pauvre diable hurla à la garde, pendant que les curieux se pressaient autour des acteurs de ce drame en plein vent. En ce moment intervint un sergent de ville. C'était ce que voulait Léonce de Folfeuille. L'agent fendit la foule et demanda quelle était la cause de cette bagarre. Les belligérants, comme cela arrive toujours, en pareilles circonstances, voulurent parler en même temps. Mélinet, tenant sa femme serrée contre lui, commença à expliquer l'incroyable agression dont il était l'objet. Mais Folfeuille lui coupa la parole. « Cet homme, ce chenapan, a débauché ma sœur mineure, que voici, et je le réclame, qu'il me la restitue sur le champ, sinon !» Et il désigna de la main Mme Mélinet qui tremblait comme une feuille. « C'est un mensonge, un abominable mensonge !» s'écria à son tour le capitaine. « Madame est ma femme, et elle n'a pas de frère. »« C'est ma sœur !» cria à plein poumon le poète policier en se tournant vers la foule comme pour la prendre à témoin de la véracité de ses paroles. « C'est sa sœur !» exclama tout d'une voix la foule. « Oui, c'est sa sœur !» Le sergent de ville se trouvait dans la situation à peu près analogue à celle du roi Salomon entre les deux mères. Il se gratta l'oreille comme pour chercher une solution à ce débat. L'un dit blanc, l'autre dit noir. Impossible de savoir qui a tort ou raison, répliqua-t-il enfin. « Vous allez me suivre tous les trois au poste, et là vous vous expliquerez. » M. Mélinet voulut protester, mais l'agent de police lui mit la main sur l'épaule en réitérant son invitation. Il dut donc se résigner à obéir. Quant au faux rapin, il avait obtenu ce qu'il voulait et il suivit le sergent de ville sans faire la moindre objection. On arriva en quelques minutes au poste situé à droite de la place du théâtre Montmartre. Le chef du poste s'enquit près du sergent de ville de ce qui s'était passé. « Le particulier que voici, répondit l'agent en montrant Folfeuille, prétend que cette dame voilée est sa sœur, que ce particulier que voilà aurait détourné de ses devoirs. « Qu'avez-vous objecté à cela ? Demanda le chef du poste à Mélinet. « Un seul mot, cet individu en a menti, trois fois menti. »« C'est vous qui mentez !» s'écria le poète policier. « Du reste, continua-t-il en se radoucissant, il y a un moyen bien simple de connaître la vérité, que madame lève son voile, et je verrai bien si c'est ma sœur que je cherche depuis un mois dans les quatre coins de Paris. » Mélinet fit un geste énergique de refus. « Vous voyez bien que j'ai raison, mon officier, » reprit le fort rapin. « S'il refuse, c'est parce qu'il craint d'être confondu. » « Pourquoi vous opposez-vous à cette constatation ? » dit le chef du poste à Mélinet. « Parce que je suis dans mon droit, en refusant de me prêter à des investigations que je regarde comme injurieuses, » répliqua l'ancien écumeur de mer. « Mais je ne vois rien de blessant pour vous à prier votre femme de vouloir bien lever son voile, » objecta l'agent-chef auquel ses résistances paraissaient suspectes. « C'est possible, mais je refuse, » dit M. Mélinet d'un ton péremptoire. « S'il en est ainsi, je vais vous faire conduire chez le commissaire de police et il faudra bien que vous vous exécutiez, » répondit le chef du poste. Mélinet Maresco eut un mouvement de rage et s'il se fût trouvé en tête à tête avec Folfeuille, il l'aurait bel et bien étranglé très promptement. Mais par malheur, il n'était pas seul, et il dévora sa fureur. « Conduisez ces deux messieurs et cette dame au commissariat de la rue des Acacias, » dit le chef du poste à deux agents. Cette menace, et surtout la crainte d'un nouveau scandale, calma subitement Mélinet. « Attendez, je préfère vous convaincre tout de suite de l'erreur de cet individu. « Passons alors dans la pièce voisine, » repartit le chef du poste. « Madame lèvera son voile. » « Et si je me suis trompé, » interrompit Léon de Folfeuille, « je m'engage sur l'honneur à faire des excuses bien senties à monsieur et à sa dame. » Le couple Mélinet, le fort rapin, l'agent-chef et un agent secondaire qui portait une lanterne passèrent dans la pièce voisine. « Est-il nécessaire que ce monsieur, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, assiste à la chose ?» demanda le capitaine. « Indispensable, » répondit le chef du poste. « Comment voudriez-vous qu'il puisse savoir à quoi s'en tenir ?» C'est parce qu'il me semble qu'après avoir vu le visage de ma femme, vous pourriez prier mon agresseur de vous donner le signalement de sa sœur qu'il m'accuse d'avoir enlevée et vous apprécierez ensuite lequel de lui ou de moi a raison et s'il ne mériterait pas des gifles. Hé hé ! Ce sera charge de revanche, mon bonhomme, riposta crânement le policier poète. Tout ceci prendrait trop de temps, dit l'agent-chef en s'adressant à Mélinet. Mélinet, passé dans ses derniers retranchements, invita sa femme à lever son voile. Celle-ci obéit. Le chef du poste et son agent firent un geste d'étonnement quand Madame Mélinet eut levé le voile qui cachait son visage. Léonce de Folfeuille eut peine à contenir un cri de joie. Le hasard venait de le mettre en présence de celle qu'il recherchait et il se demandait s'il n'avait pas devant lui l'introuvable capitaine Maresco. « Eh bien, lui dit M. Mélinet d'un ton moitié miel, moitié vinaigre, êtes-vous convaincu à présent de l'invraisemblance de vos suppositions ?» La taille, la tournure de Madame, son voile, mon désespoir, balbutia le poète policier avec un air contrit. Je vous fais mes très humbles excuses, ainsi qu'à votre dame. Pardonnez-moi une erreur bien excusable. La chose est expliquée, vous êtes tous d'accord et vous pouvez vous retirer, dit le chef du poste en ouvrant la porte. Léonce de Folfeuille s'en rangea poliment pour laisser passer les époux Mélinet, et lorsqu'ils eurent quitté le poste, il s'esquiva le plus lestement du monde. « La voix de cet homme, il me semble l'avoir déjà entendue, » se disait Mélinet Maresco, tout en regagnant la rue des Saules. « Mais où et quand ? Je ne me rappelle pas. » Il rentra tout pensif dans sa demeure. « J'ai trouvé l'Indienne, car il est peu présumable qu'il y en ait présentement deux à Paris. » Pensait de son côté le poète policier en descendant gaillardement la rue des Martyrs. « Et c'est bien le diable, si je n'arrive pas du même coup à mettre la main sur son Maresco et sur la villa que m'a promis sœur Joanne Asselet. » Puis, et après réflexion, il ajouta mentalement « Et d'abord ce Mélinet s'appelle-t-il réellement Mélinet ? Ne serait-ce pas comme l'idée m'en est venue ? Et pourquoi pas ? Allons, allons, mon cher Folfeuille, je crois que tu peux dire sans trop de fatuité, comme cet illustre empereur romain dont j'ai oublié le nom, Cordieu, je n'ai pas perdu ma journée. »